je veux de l'artiste, je veux le claquer pour ma gueule. Ça va bousculer au portier. Qu'est-ce que je voudrais faire? C'est avoir du blé ou un truc où tu fais le beau? Un truc où tu gagnes des lobes. Va savoir s'il n'y a plus moyen de trimer, s'il n'y a plus de boulot, puis à bouffer. Ça m'évitera de faire la queue. Je serai au chaud, blindé et enfourré jusqu'aux yeux. Et le Molière pourra toujours me charrier avec ses baisses à la con. Je serai bourreuse si je ferai pas son intro. Je vais les faire frétiller, moi, les carrosseries. J'enculerai la vie avec la haine dans les yeux. Plus rien ne sourit dans cette putain de vie. Alors au départ compulsif, à la messerie, Charles Broly, clic clic, impulsif comme Tony, dans cette putain de vie, où plus rien ne sourit, plus rien ne sourit, ça gille, ça vole, ça sort, les clic clic, ils s'étonnent pas si on devient impulsif, impulsif. Plus rien ne sourit dans cette putain de vie, et 2010 est mal parti, toujours pas taf, pas de faf. Alors ça deal, ça bise, sans se soucier du risque. Mais il y aura toujours du risque si tu te la joues à la mesrine. Quand t'es des pistons par million, c'est ma putain de raison. Mais pas de me retrouver en prison avec comme seule compagnie ce putain de pédophile, ce putain de pédophile. Et quand t'as pour ton pote, t'es parti trop vite à cause d'une maladie ou d'une histoire de deal. C'est trop triste, trop dur à accepter. Mais faut pas se laisser aller, c'est du toxique furax. Un son pour nous mettre à un son parce qu'on a la dalle au mic. Alors je nique tous ces petits bâtards qui parlent sur mon blast et bouche bé blast. C'est devant mon RAP. Devant mon RAP. Plus rien ne sourit dans cette putain de vie. Alors au départ impulsif, à la messerine, Charles Broly, clic clic, impulsif comme Tony, dans cette putain de vie, où plus rien ne sourit. Plus rien ne sourit, ça deal, ça vole, ça sort, les clic clic, ils s'étonnent pas si on devient impulsif. Impulsif. Plus rien ne sourit, on a dû serrer la ceinture, on sature mon pote, ça devient dur. La politique en mode répit et nous en mode réplique. Dans cette putain de république, on a la dalle, on nous dit d'aller voter. Mais tu veux voter pour qui? Ils sont tous vendus, ils sont tous pourris. Eh, hey, ça sent la moisissure d'ici. La France, je vais la déstringuer, ils ont tous le cul serré. Plus rien à foutre de tout, plus rien nous sourit. On pense qu'à nous faire souffrir. J'ai perdu mes parents, mes ans, je l'ai assez répété. Mais c'est plus fort que moi, je peux pas m'arrêter d'y penser. La rue a brisé mon sourire, on m'a fermé les portes. J'ai perdu des proches et la justice enferme mes potes. J'ai perdu des proches et la justice enferme mes potes. Plus rien nous sourit dans cette putain de vie. Alors on débarque impulsif, à la messerine Charles Broly, clic clic, impulsif comme Tony, dans cette putain de vie, où plus rien nous sourit. Plus rien nous sourit, ça deal, ça vole, ça sort, les clic clic, qui s'étonnent pas si on devient impulsif, impulsif. Plus rien nous sourit dans cette putain de vie. Alors on débarque impulsif, à la messerine Charles Broly, clic clic, impulsif comme Tony, dans cette putain de vie, où plus rien nous sourit. Plus rien nous sourit, ça deal, ça vole, ça sort, les clics clics, ils s'étonnent pas si on devient impulsif, impulsif.